un skidou qui me donne de la marde. Il est noir, orange, pis jaune, moutarde. Il en pèse les gars 100 000 à ronde. Pis ça fait capoter ma blonde. C'est rien qu'un déficient, c'est rien qu'un déficit. C'est rien qu'un déficient, c'est rien qu'un déficit. C'est rien qu'un déficient, c'est rien qu'un déficit. Même mon garage avance plus vite. Si je veux sauver mon ménage, faut que je le sorte de ce garage. Pour me guérir de cette rage, faut que je me perde dans le paysage. J'suis rien qu'un déficient, j'suis rien qu'un déficit. J'suis rien qu'un déficient, j'suis rien qu'un déficit. J'suis rien qu'un déficient, j'suis rien qu'un déficit. Ouais, mais mon chien a fait faillite. L'hiver a capoté dans le bois parce que mon skidou décolle pas. Ma blonde qui pousse pour que je m'en aille. C'est pogné le foulard dans la laille. Ah, moutadine. Chien qu'un déficient, chien qu'un déficit. Chien qu'un déficient, chien qu'un déficit. Chien qu'un déficient, chien qu'un beau colline de déficit.